Chapitre 8. Arrivée de l'autre nièce. Le jour même où le général avait témoigné si ardemment le désir de voir arriver sa nièce d'Abrovine, et où il était allé bien loin sur la grande route espérant la voir venir, il aperçut un nuage de poussière qui annonçait un équipage. Il s'arrêta, haletant et joyeux. Le nuage approchait. Bientôt il put distinguer une voiture, attelée de 4 chevaux, arrivant au grand trot. Quand la voiture fut assez près pour que ses signaux fussent aperçus, il agita son mouchoir, sa canne, son chapeau, pour faire signe au cocher d'arrêter. Le cocher retint ses chevaux, le général s'approcha de la portière et vit une femme encore jeune et charmante, en grand deuil. Près d'elle était une jeune personne d'une beauté remarquable. En face, 2 jeunes garçons. Sur le siège, près du cocher, était une personne qui avait l'apparence d'une femme de chambre. « Nathalie, ma nièce !» dit le général en ouvrant la portière. « Mon oncle, c'est vous !» répondit Madame d'Abrovine, car c'était bien elle. En s'élançant hors de la voiture et en se jetant au cou du général. « Oh, mon oncle, mon bon oncle! Quel terrible malheur depuis que je ne vous ai vu! Mon pauvre Dmitri, mon excellent mari, tué à Sébastopol !» Madame d'Abrovine s'appuya en sanglotant sur l'épaule de son oncle. Le général, ému de cette douleur si vive et si vraie, la serra dans ses bras et s'attendrit avec elle. « Ma pauvre enfant, ma chère Nathalie, pleure, mon enfant, pleure dans les bras de ton oncle qui sera ton père, ton ami. Pauvre petite, tu as bien souffert. Et je souffrirai encore, mon cher oncle. Comment oublierai-je un mari si bon, si tendre? Et mes pauvres enfants, ils pleurent aussi leur excellent père, leur meilleur ami. Mon chagrin augmente le leur et les désespère. Laissez-moi embrasser les enfants, ma chère Nathalie. Ils m'ont oublié, mais moi, j'ai pensé bien souvent à vous tous. » Madame d'Abrovine. « Descends, Natacha, et vous aussi, Alexandre et Michel. Votre oncle veut vous embrasser. » Natacha s'élança de la berline et embrassa tendrement son vieil oncle qu'elle n'avait pas oublié, malgré sa longue absence. « Laisse-moi te regarder, ma petite Natacha, » dit le général, après l'avoir embrassée à plusieurs reprises. « Le portrait de ta mère, comme si je la voyais à ton âge. Ma chère enfant, tu aimeras encore ton vieux gros oncle. Tu l'aimais bien quand tu étais petite. »« Je l'aime encore et je l'aimerai toujours, » répondit Natacha avec un affectueux sourire. « Surtout, » ajouta-t-elle tout bas, « si vous pouvez consoler un peu pauvre maman qui est si malheureuse. »« Je ferai ce que je pourrai, mon enfant. Et les autres, je veux aussi leur donner le baiser paternel. » Alexandre et Michel se laissèrent embrasser par le général. « Y a-t-il de la place pour moi, mes enfants, dans votre voiture ?» Natacha. « Certainement, mon oncle, je me mettrai en face de vous avec Alexandre et Michel, et vous serez près de maman. » Le général fit monter en voiture sa nièce d'Abrovine, malgré une légère résistance, car elle aurait voulu faire monter son oncle en premier. « À toi, Natacha, maintenant, monte, appuie-toi sur mon bras. » « Non, mon oncle, je me mettrai en face de vous quand vous serez placé. » « Alors montez, les petits, » dit le général en souriant. « À toi, à présent, ma petite Natacha. » « Pas avant vous, mon oncle, je vous en prie. » « Comme tu voudras, mon enfant. Oup, je monte. » Et le général se hissa péniblement. Natacha sauta légèrement et prit place en face de son oncle. Pour la première fois depuis 2 ans, un sourire vint animer le visage doux et triste de Madame d'Abrovine. Ce sourire fut aperçu par Natacha, qui, dans sa joie, serra les mains de son oncle en lui disant à l'oreille. Elle sourit. L'oncle sourit aussi et regarda avec tendresse sa nièce et sa petite nièce. Il se pencha à la portière et cria au cocher d'aller aussi vite que le permettait la fatigue des chevaux. Le général adressa une foule de questions à sa nièce et aux enfants, et découvrit, malgré l'intention visible de sa nièce de le lui dissimuler, qu'ils étaient pauvres, et que c'était par nécessité qu'ils vivaient toujours à la campagne, aussi retirés que le permettaient leurs nombreux voisinages. « Nous arrivons, dit le général. Voici mon gros Miline. C'est là que je vous ai vu pour la dernière fois. » Madame d'Abrovine. « Et c'est là que j'ai été longtemps heureuse près de vous, avec mon pauvre Dmitri, mon cher oncle. » et c'est là, je l'espère, mon enfant, que tu vivras désormais. Tu y seras comme chez toi, et je veux que tu y jouisses de la même autorité que moi-même. Je n'abuserai pas de votre permission, mon oncle. J'en suis bien sûr, et c'est pour ça que je te la donne. Mais tu en useras, je le veux. Ah, pas de réplique. Tu te souviens que je suis méchant quand on me résiste. Madame d'Abreuville se pencha en souriant vers son oncle et lui baisa la main. Les yeux de Natacha brillèrent. Sa mère avait encore souri.